J'aime voir couler le sang d'une pute qui bat des graves. Inarrêtable depuis que j'ai le sens du but à caréca. J'frappe par étape, rare comme un carré d'as. Pas les pattes, pas les basses, noyé dans les marécages. Roule ta crasse et fais tourner la scène si l'ami. J'suis une histoire bizarre qui sort tout droit de Pennsylvanie. J'voyage dans le rap avec une valise pleine de dynamite. Ça fera brrr dans leur crâne, j'ken leur tyrannie. On veut tous des billets de 500 qui t'a laissé un tapé plein de sang et t'envahir comme David Vincent. Pour les petits voraces, les petits coréas qui tiennent prêt. Crash ton venin, hasta la victoria siempre. J'vise la lucarne tout petit, j'rêvais du Brésil. Imprévisible, j'ai la technique de Luca Brasi. Si j'crève ici, n'hésite pas, shoot la pouca, vas-y. Maquille mon meurtre en suicide et fous leur corps dans l'acide. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. T'inquiète tout la ferraille, va rage Gecko des putain de first night. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. Arrête de jouer les teufs si t'es tiens putain. J'ai grandi avec Frank Nitti et Mobb D, Double Hippie. J'ai jamais vu la tronche du Père Noël, il a dû cartonner avec E.T. J'espère que je le rappe de Pili Pili. Arraché d'ici vos petites gueules D.P. Attiré par tout ce qui est brille comme une VIP. Y'a qu'en enfer que je pourrais rentrer VIP. Imagine-moi plein TNT dans une BNP. Que serais-je sur la Mifi Diri, ma haine est infinie. Sur le clair, pas touche aux barrettes de Kiki. J'coupe ma gnôle avec une canette de Genie. Mon doigt titille la gâchette de Guigui. Comprends poteau devant moi, y'a une tapette de Vilsi. Personne nous répond au digicode. Marlige dans une piste, Skyrock me caresse le zizi. Mes potes sont barbus comme les Zizi Top. C'est des visigodes qu'ils cachent des palettes de Silmi. Dans la caisse on écoute la tape de Biggie. Sous le siège une machette de Piggy pour ta tête de Team V. Ici on chie dans la casquette de 50. Rien à regrette, le grizzly ouvre la cagette de whisky. J'ai le doigt pressé sur le flow gâchette 9 milli. J'ai racheté aux enchères le fly jacket des 1000 louis. Le prochain 14 juillet sera meurtrier. Mon petit manche sa baguette de Kiri devant une cassette de chimie. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. T'inquiète tout la ferraille, va rage Gecko des putain de first night. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. Arrête de jouer les ducks si t'es qu'un putain de gauche. Je suis en embrouille avec moi-même, voilà, et ça va partir en couille. Un coup je suis cool, un coup je suis ken, un coup je suis zen, un coup je suis sou, un coup je suis spree. Mon côté fou veut mettre à l'amende, mon côté lucide, enculé tous les jours la même. Je me remettre à fumer du shit. Avant la prod, je me mets en mode distributeur de chiffres. On veut tout prendre, faut nous comprendre, il faut qu'on fasse du shit. On veut le meilleur, en bonne habitude du pire. Tu me prends pour cible, mais t'es pas un sniper, c'est à côté que tu tires. De 007, dans les bacs, je lâche ma tête. Puis si on sait pas faire la fête, sans se bacave la tête, fais péter la tête, fais pas ta. Tata ce qui bégaye, envoie la paye, tu veux la paix. Mais d'abord on se fera la guéguerre. Une patate de bardise, ta tête a fini dans le pare-brise. T'as le bonjour de la mif, ton corps a fini sur le parvis. Raconte pas ta vie, t'es qu'un slave, oui c'est cela, oui c'est le chat, oui. J'crache mon venin, j'm'en bats les glas, oui. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. T'inquiète tout la ferraille, va rage Gecko des putain de first night. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. Arrête de jouer les ducks si t'es qu'un putain de gauche là. On fait mal et ça s'entend, rappant, plaisantant. Fais du bruit, on débarque, on mic, on se fait entendre. On casse des briques, bat des vitres, on clash, on casse des. Bouche, on brasse des housses, on cache des trucs de ouf. On crache pas de nom, c'est la règle depuis qu'on est gosse. On crache des sous, on grimpe pour venir le boss. On se fait respecter, au pire, on se fait péter. On fait tout, tous pour finir blindé. On baisse pas le froc s'il faut poser ses couilles. On encaisse, je suis d'accord, mais faut donner des coups. Si t'es fort, c'est bien, si t'es faible, t'es mort. Si tu clashes, c'est mieux, si tu veux, je t'égorge. Moi j'ai la dalle, je suis venu là, cracher au mic. Les mauvaises langues, je suis venu leur crache à la gueule, quoi que tu dises, c'est cracheur de venin, c'est Farage, c'est cette Gecko, c'est la Haïfé, c'est la Ghetto. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. T'inquiète tout la ferraille, Farage Gecko des putain de first night. Tu vas laisser des traces dans ton putain de punchline. Confonds pas tes petites phases et nos putain de punchlines. Encore un son, coup de pression comme Mr. Sunshine. Arrête de jouer les ducks si t'es qu'un putain de gauche là. No!